voici venir une autre nuit qui annonce la venue de notre temps. Comme si les dieux venaient d'annoncer le début de nouvelle aurore. Quelque part dans l'ombre d'une ville, il y a déjà si longtemps, un ange s'est posé au cœur de la nuit, d'où est né un enfant. Toi, Laurence, tu es venue, et puis tu es repartie dans ton pays. Venu des étoiles restera gravé dans ma mémoire. Déjà ses premiers pas et les sons de sa voix me donnent l'envie de continuer. La nuit s'achève, la lumière éclore et moi je dors encore. Sorti de cette nuit, j'ai rêvé d'un enfant et d'un autre temps. Laisse ton cœur se nourrir de ce temps, écoute la voix qui te parle l'instant. Tu es revenu, et puis tu es reparti dans ton pays. Il y a de ces jours qu'on voudrait tout changer, comme si le temps n'avait plus d'importance. Il y a de ces jours qu'on voudrait tout changer, faire un miracle du bout de ses doigts. Reparti dans ton pays. Voici venir une autre nuit qui annonce la venue d'un autre temps. Comme si les dieux venaient annoncer le début de nouvelle aurore. Au cœur d'une ville, dans l'ombre du temps, j'ai vu les traces de nouvel enfant. Déjà dans mes rêves, un écho de sa voix me donne l'envie de continuer. Il y a de ces jours qu'on voudrait tout changer, comme si le temps n'avait plus d'importance. Il y a de ces jours qu'on voudrait tout changer, faire un miracle du bout de ses doigts. Toi, Laurence, tu es venue, et puis tu es repartie dans ton pays.